Évariste Ndikomanyanga. Nous sommes le premier jour du mois d'octobre 2020. Bienvenue à ce journal, édition de la mi-journée, dont voici d'abord le sommaire. La radio Isanganiro procède demain vendredi à l'ouverture de son antenne à Gitega, la capitale politique. Le directeur de cette station précise que cette dernière vient répondre aux sollicitations de la population de l'intérieur du pays qui réclamait depuis toujours l'installation de cette station à sa proximité. Et cette journée mondiale des personnes âgées côté notre pays, cette catégorie de la population est assistée, mais à un niveau moins satisfaisant, indique le représentant légal de la famille de soutien aux personnes âgées et orphelins, FSPAO en sigle. Et au moment où ce 1er octobre est une journée internationale du café, le café burundais est le premier produit exporté et faisant rentrer dans des devises dans le pays, indique le bulletin de l'Office burundais de recettes OBR. Et la chronique justice de ce jeudi sera consacrée à la datation et à la conservation des restes humains. Alphonse Koubguimana assure la mise en onde. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Un corps sans vie d'un homme a été trouvé le soir de ce mercredi dans un magasin de matériel de construction appartenant à Nibikora Josué, situé à Bereshi, colline Makamba 2 en commune et province Makamba. Selon le constat de l'OPJ, cet homme âgé de 34 ans, originaire de la commune Kayogoro, s'est suicidé à l'aide d'une corde d'une moustiquaire. Les sources sur place à Bereshi indiquent que la victime travaillait dans ce magasin et était disparue l'après-midi de mardi. Le cadavre a été évacué vers la morgue de l'hôpital Makamba. La police dit avoir déjà entamé les enquêtes relatives. Olivier Nigwanira, un domestique travaillant au quartier Kagoma sur la colline Gihinga en commune Kayokwe de la province Ngaro, a été blessé et fusillé par un malfaiteur non encore connu la nuit d'hier à 20h30. Selon les sources sur place, ce jeune homme de 23 ans a été blessé au bras et au ventre quand il est rentré à la maison. La victime a été transférée la même nuit à l'hôpital pour des soins. Le commissaire provincial de la police à Mngaro, Kassa Agaton, dit que 4 personnes ont été arrêtées pour enquête. Il conseille à la population de cette province de collaborer avec les forces de l'ordre afin d'informer à temps tout fait inquiétant. La semaine dernière, un élève de la 8e année habitant la colline Lutiazo de cette même commune avait été tué par balle par des malfaiteurs non encore identifiés. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais en titre, la radio Isanganiro va ouvrir son antenne à partir de ce vendredi à Gitega, la capitale politique du Burundi. Sylvain Nakarutimana, le directeur de cette station, demande aux autorités administratives et policières de continuer à faciliter la tâche à ces journalistes pour accéder à l'information. Ce responsable précise que cette station vient répondre aux sollicitations de la population de l'intérieur du pays qui réclamait depuis toujours l'installation de cette station à sa proximité. Suivez-le au micro. Le fait que Gitega est devenue la capitale politique de notre pays, ça a impacté notre travail du moment que il y a plusieurs activités qui sont organisées par les autorités nationales et qui sont passées à Gitega. Et l'équipe qui était censée couvrir ces événements était plus ou moins débordée parce que c'était une équipe composée par 2 personnes. Et les 2 personnes, il s'est avéré qu'elles ne pouvaient pas couvrir tous ces événements. Alors on s'est dit, il faudrait renforcer cette équipe-là. En renforçant cette équipe, notamment en ressources humaines, voilà d'où est née l'idée. L'autre aspect qui nous a poussé à ouvrir une antenne à Gitega, c'est qu'il y avait une demande de la part de la population qui disait « Nous aimerions avoir des services dans la radio. Mais pour le moment, la radio Isanganiro n'est pas capable de nous recevoir tous, de pouvoir répondre à nos sollicitations. » Et on s'est dit « Pourquoi ne pas ouvrir cette antenne pour répondre à ces demandes incessantes de la population ?» Oui, vous allez dépêcher toute une équipe qui va s'installer à Gitega. Mais pour qu'un journaliste puisse avoir l'information, il faut que l'administration, les autorités policières lui facilitent la tâche. En ce sens, quel est votre souhait? Qu'est-ce que vous demandez justement à ces deux dernières autorités? Il faudrait que les autorités, et même la population en général, se mettent à l'idée qu'un journaliste, c'est un partenaire. C'est un partenaire pour le développement, c'est un partenaire pour la cohésion sociale. Bref, c'est un partenaire avec qui il faut compter, avec qui il faut travailler pour que le pays puisse s'émanciper sur le plan de développement, etc., etc. Je demande aux autorités de faciliter la tâche à nos journalistes, comme les autorités d'ici, de tout le pays, lorsque nous étions obligés de monter à l'intérieur du pays pour les rencontrer, ont toujours facilité notre tâche. D'ailleurs, le journaliste ne pourrait pas travailler sans la facilitation des autorités. Et nous espérons que les journalistes qui montent pour s'installer à Gitega, ils rencontrent d'autres journalistes qui étaient là, vont travailler dans l'harmonie avec les autorités, avec la population. Et nous pensons que les facilités qui vont être accordées à ces journalistes-là, nous les espérons de la part de nos partenaires. Et les premiers partenaires, ce sont les autorités provinciales, ce sont les autorités communales, ce sont les autorités collinaires, c'est même la population. Mais toutes ces demandes ne sont pas nécessairement adressées à des autorités simplement ou à la population. Même aux journalistes, nous avons une demande en tant que responsable d'une radio, de demande aux journalistes de travailler dans le respect de la loi, des règles déontologiques, de l'éthique, etc., pour que notre travail puisse bénéficier à notre pays. C'était là le directeur de la radio Isanganiro Cap sur Muyinga, où certaines femmes restaient sans liberté jusqu'à être privées par les familles du droit de recourir aux juridictions. C'est le témoignage d'une des femmes leaders à Muyinga, où mercredi, le gouverneur de la province a lancé officiellement le centre communautaire d'innovation en entrepreneuriat. Pour lui, la voie sûre d'accès à tous les droits puisse passer par une autonomisation qui procure dignité et respect. Les détails avec Dieudonné Nzeyimana. Si le progrès est significatif pour les femmes qui ont pu adhérer aux associations féminines, certaines femmes rurales restent sans possibilité d'épanouissement. Verene Kanyambo, chef de colline Mugano en commune Giterani, révèle qu'il y en a même qui sont pourchassées par les familles quand elles osent porter plainte contre les violations dont elles sont victimes. Elle précise que quelqu'un ne peut obtenir rien de cause au niveau du parquet ou à la justice, mais quand elle retourne au ménage, elle est marmenée, voire chasser pour avoir osé porter l'affaire au haut niveau. Lors du lancement officiel du hub communautaire d'innovation en entrepreneuriat à Muyinga, Jean-Claude Bartwanayo, gouverneur de la province Muyinga, évoque les clés de libération de la femme. Il indique qu'il a constaté que les femmes qui ont plus de soucis sont celles sans ressources, qui comptent tout sur leurs époux. Passer par les autonomisations, les délirés, le centre ouvert travaillera en son sens. Le hub communautaire de Muyinga, ouvert par le Caire international, servira pour 4 provinces du Nord. Lors de son lancement, une femme originaire de Ruhururu en province Ngozi a d'ailleurs témoigné. Aujourd'hui, elle a pu s'acheter une voiture. Elle a évolué à partir d'un prêt de 20 000 francs contractés auprès d'une association d'épargne et crédit solidaire au niveau de la communauté. Muyinga, Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro. Du nord du pays, rendons-nous au sud du pays, à Rumonge précisément, les activités commerciales et les recettes communales en province Rumonge ont baissé jusqu'à près de 50% dans les sites touristiques de cette commune. Ceux qui travaillent sur ces sites, notamment au site des eaux thermales de Mugara, de même que l'administrateur communal de Rumonge, confirme cet état des faits et affirme que cela fait suite à la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier au Burundi. Les détails avec Jean-Pierre Misago. À côté des problèmes de latrinisation, de manque d'eau potable et d'électricité dans certains centres de santé, des infrastructures exiguës, du manque d'équipement et de leur maintenance, la province sanitaire de Rumonge manque cruellement un hôpital de district sanitaire de Bugarama, regroupant les communes de Burambi, Bugarama et Muhuta. Docteur Jean-Claude Ndikumasabo, médecin provincial de Rumonge, dit que cette situation rend difficile la référence contre référence. Parmi les principaux défis, il y a le manque d'un hôpital de district de Bugarama pour assurer la référence contre référence. Veuillez nous excuser, l'élément balancé, ce n'est pas celui qui a été lancé. Nous allons y revenir avant la fin de ce journal. Le manque de personnel qualifié suffisant ainsi que la carence des moyens de déplacement sont certains défis que connaît l'Institut des statistiques et d'études économiques du Burundi, Stebu. Le directeur général de cet institut l'a dit ce mercredi lors d'une réunion du lancement du processus de l'élaboration de la troisième stratégie nationale quinquennale du développement de la statistique d'une durée de 5 ans. Nicolas Ndayishimiye se réjouit de la formation des statisticiens à travers la mise en place de l'Institut de statistique à l'Université du Burundi, ce qui, de sa part, permettra d'améliorer des activités de l'ISTEBU. Suivez-le au micro d'Ezekiel Ndikumwenayo. Le gouvernement africain en général et celui du Burundi en particulier consacrent des moyens importants à l'essor de cet outil de développement qui est la statistique. Cette démarche est essentielle car elle permet d'améliorer la qualité des projets et programmes de développement mis en œuvre et de pouvoir en évaluer les résultats. L'élaboration de la SNDS doit respecter un certain nombre de principes. L'adoption d'une stratégie globale et réfléchie à moyen et à long terme afin d'assurer la cohérence du développement et sa durabilité. L'utilisation de la statistique comme outil indispensable pour gérer et mesurer l'atteinte des objectifs de développement durable, de la gouvernance et de la démocratie. La mobilisation des ressources suffisantes pour faire de la statistique un outil d'aide à la prise de bonnes décisions et permettre aux citoyens d'être mieux informés sur le bien fondé des politiques mises en œuvre et des besoins de développement. Qu'il reste encore beaucoup à faire malgré des progrès déjà accomplis. Le défi que je dirais, qui est toujours persistant, c'est un défi lié à la coordination. On constate qu'il y a toujours une immobilité du personnel des services statistiques, notamment ceux qui vont vers d'autres projets ou bien dans les ONG où ils sont mieux rémunérés. Ça, c'est un défi qui, peut-être à la longue, va trouver solution avec la reprise de la formation statistique au Burundi. L'autre défi, c'est de pouvoir mettre tous les secteurs au même niveau en termes de développement méthodologique, en termes de traitement, de collecte de données dans leur secteur. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Rendons-nous à Ngozi pour parler agriculture. Le prix des fertilisants du café a été sensiblement réduit ces derniers jours par le gouvernement. Propos de Moïse Bizimana, chargé du suivi et évaluation au bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage Ngozi en cette journée mondiale dédiée au café. Les caféiculteurs d'Ngozi saluent les efforts du gouvernement mais demandent la revue à la hausse du prix de cette culture. Les détails avec Apollinaire Muzagara. De l'autre côté de la vitrine, l'homme signale que l'élément n'est pas disponible. Le café burundais, produit d'exportation et faisant rentrer des devises, est le premier produit exporté au cours du quatrième trimestre de 2019, selon le bulletin trimestriel de l'Office burundais des recettes OBR. Le recensement général des caféiers 2006-2007 montre que 4 provinces totalisent à elle seule 56% du verger de l'État avec Miri Kanyang. Selon ce recensement général des caféiers, édition 2006-2007, un rapport définitif de l'ISTEBU datant de mars 2009, en 2007, les caféiculteurs étaient de l'ordre de plus de 580 000, dont 79% de sexe masculin et 20% de sexe féminin, contre plus de 750 000 caféiculteurs dénombrés lors du recensement général de 1998. Selon ce rapport, quatre provinces totalisent à elles seules seuls 56% des caféiers. Il s'agit des provinces Ngozi avec 18%, Kayanza avec 14%, Gitega avec 11,49% et Muyinga avec 11,44%. Selon toujours ce recensement, sur plus de 9 millions de caféiers, 38% ont été jugés improductifs et 24% abandonnés. Le café étant une culture d'exportation, l'Office burundais des recettes, dont les exportations avec une valeur de plus de 18 milliards de francs burundais contre plus de 32 milliards de francs burundais au quatrième trimestre de 2008. Et selon le rapport annuel de la Banque de la République du Burundi, durant la campagne 2017-2018, plus de 21 tonnes de café parche ont été exportées contre plus de 30 000 tonnes exportées lors de la campagne 2018-2019. Et pour le café vert, les exportations sont respectivement passées de plus de 15 000 tonnes à plus de 20 000 tonnes. Merci à Mireille Kanyang. Je vous le disais, le prix des fertilisants du café a été sensiblement réduit ces derniers jours par le gouvernement. Propos de Moïse Bizimana, chargé du suivi et évaluation au Bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage Ngozi en cette journée mondiale dédiée au café. Les caféiculteurs d'Ngozi saluent les efforts du gouvernement mais demandent la revue à la hausse du prix de cette culture. Les détails avec Apollinaire Mozakara. Le chargé du suivi et évaluation au Bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage parle de la maîtrise de la culture de café dès la pépinière jusqu'à sa vente comparativement à la période où cette culture était dans les mains des privés. Pour preuve, le troisième jeudi du mois est réservé à l'entretien de cette culture, une activité à forte affluence dans cette province selon Moïse Miziman. Il ajoute aussi que cette importance est montrée par une sensible réduction par le gouvernement à travers le projet d'appui à la compétitivité du secteur café du prix du NPK plus S en greffe fertilisant cette culture d'exportation, combien est-il pour le pays? Le prix à payer est passé de 2000 francs bout à 400 francs, 1600 restants étant subventionnés par le gouvernement via son projet PACCS. Le BPA Ngozi est pour le moment à la saisie des effectifs des caféiers concernés par la prochaine campagne de fertilisation, une activité selon Moïse Bizimana qui sera très surveillée pour que cet engrais ne soit pas affecté à d'autres cultures. Les caféiculteurs d'Ngozi remercient le gouvernement quant à ses efforts fournis dans son secteur. Ils demandent néanmoins la hausse du prix du café cerise jusqu'à 1000 francs pour le kilo. Selon eux, les 550 francs pour donner sont insuffisants vu les efforts consentis dans l'entretien de la pépinière jusqu'à sa vente. Propos tenus en cette journée mondiale dédiée à la culture du café d'Ngozi, Apollinaire Mozakara, Radio Isanganiro. Merci à Apollinaire Mozakara. Les personnes âgées sont assistées mais à un niveau non satisfaisant vu le nombre de ceux qui sont en besoin d'assistance. Ce sont les propos du représentant légal de la famille de soutien aux personnes âgées et orphelins FASPAO. Cyril Flèche Isirahenda demande à l'État de mettre en place une loi spécifique qui protège les personnes âgées. Certaines d'entre elles disent être satisfaites par la façon dont elles sont assistées. Dans la culture burundaise, les personnes âgées devraient être prises en charge par leur famille restreinte, selon le psychologue et chef de poste de psychologie au centre neuropsychiatrique de Kamenge, dit chez Le Gentil, au cas où ces personnes âgées seront transférées dans les centres d'hébergement. Leur parenté devrait leur rendre visite régulièrement pour les épargner de certaines maladies mentales, dont l'Alzheimer. Pierre Claver Njejimana suggère que le personnel de ces centres doivent avoir une formation relative afin d'apporter à ces personnes âgées un soutien dont ils ont besoin. Il le dit au moment où, le 1er octobre de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à cette catégorie de gens. Radio Isanganiro, chronique justice. Les restes humains ou matériels exhumés sont analysés dans les laboratoires, puis l'on procède à leur datation. Ces explications sont données par Elie Sadiki, professeur d'université, anthropologue et expert en exhumation. Cet expert en anthropologie, et en écologie et en archéologie trouve difficile la technique de datation des vestiges d'après 1950 en cas d'absence de témoins des événements du passé. Chronique justice transitionnelle avec Eline Iber-Nibikitre. L'exhumation des restes humains ou matériels n'est pas effectuée par n'importe qui, comme on l'a souligné dans notre précédente chronique de justice transitionnelle. Le matériel utilisé lors des travaux d'exhumation exige différents experts pour ne pas détruire ces restes exhumés, explique l'expert Elie Sadiki. Le matériel utilisé, donc, c'est un matériel diversifié. Il s'agit par exemple des truelles, des houes, les tamis. Nous avons les appareils photo aussi, ils sont utilisés. Nous avons aussi le GPS. Donc il y en a beaucoup. On ne peut pas énumérer tout le matériel utilisé pour faire une fouille. À côté du matériel d'exhumation, l'expert en anthropologie et archéologie dit qu'il existe aussi l'habillement approprié pendant l'exercice de ce travail. Les vêtements portés par les fouilleurs sont les vêtements que portent tout technicien. Comme les mécaniciens, vous voyez comment ils s'habillent. Mais aussi, on n'oublie pas les casques, les bottines, etc. Mais aussi les gants. Vous voyez comment s'habillent les médecins. Les restes exhumés sont acheminés dans les laboratoires pour être examinés et datés. Si les restes datent d'avant 1950 et que l'on n'en trouve pas de témoins, les techniques de datation deviennent compliquées. Explication de l'expert Elie Sadiki. Identifier l'histoire qui caractérise les peuples disparus. Parce que l'archéologie concerne les vestiges des peuples disparus en grande partie, même si quelquefois, pour des objectifs peut-être précis, quand il s'agit par exemple d'une fosse commune qui date d'avant 1950, il est très facile d'identifier l'âge de cette fosse. Donc on ne parle pas normalement de fosse commune. Pour nous, nous parlons en fait de site, un site dans lequel on trouve des objets, parce que nous, on ne fouille pas seulement les ossements, mais aussi on fouille les objets matériels qui ont été utilisés par l'homme. Alors, pour savoir l'âge d'un site, c'est tout à fait simple, on fait la datation. Mais on date les objets uniquement qui datent d'avant 1950. Cet expert explique que ce travail est difficile suite aux armes nucléaires utilisées lors de la Deuxième Guerre mondiale au Japon, ce qui a causé la destruction rapide des restes. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi et un bon après-midi à toutes et à tous.